Moi, je suis le bon berger. Le bon berger sacrifie sa propre vie pour ses brebis. Il est même prêt à mourir pour elles. Comme une saison, vêtus de paix, nous irons dans sa maison. Je suis là. De la main de mon père, moi et le père.